Voici Guillermo Ruiz. Ça va les amis, ça va les amigos. Ouais. Ouais, tu vois, vous commencez à le savoir. Moi, j'aime bien la science. Peut-être pas autant que Leila, elle aime boire. Mais j'aime bien. On critique souvent la science. Je rappelle que sans la science, Einstein il aurait jamais niqué, quoi. Il avait deux passions, Einstein, la science et le banjo. Et je peux dire que quand il jouait au banjo, t'avais pas envie d'être dans la pièce, quoi. Franchement, Einstein, sans le côté, c'est fille, vous avez entendu parler Newton, c'est un con. Franchement, la gravitation, ça marche pas comme ça. On apprend dans ma chambre. Il parlait comme Patrick Sébastien Einstein. Enfin, faut regarder les archives de l'INA. Mais ce que j'aime le plus dans la science, c'est ce que c'est Mathieu Vidard. Mathieu Vidard, il a une belle voix, il m'apaise comme ça. Mathieu Vidard, il me rassure, il calme mes angoisses. Si j'ai un cancer un jour, je veux que ce soit Mathieu Vidard qui me l'annonce, non, et qui me dise Ernesto, c'est le pancréas, il te reste 9 jours. Genre, mais t'en fais pas, Ernesto, parce que figure-toi qu'il y a une petite étude cambodgienne qui vient de sortir qui dit justement que chez les souris astigmates à poil kaki du sud Mexique. Genre, oh, putain, Mathieu, c'est formidable. Je serais content d'avoir le cancer avec lui. Franchement, je suis fan de Mathieu Vidard. Il a sa chronique le matin à 7h20 et ça m'apaise parce que 9 fois sur 10, je suis encore dans l'angoisse de la chronique de Daniel Morin. Quand il est là, ouais, t'allumes la radio un peu trop tôt, t'entends 6h57, c'est à vous, Daniel Morin. Donald Trump, petite souillure amérindienne fan de Dick Rivers. T'es là, mais enfin, t'es dans ton lit, t'es là, mais enfin, monsieur, pourquoi vous faites ça, etc. C'est le Daniel, il sait que je l'adore, hein, mais quand tu l'entends à 6h37, je pars en tachycardie, quoi. J'ai l'attention à 36-37. Vraiment, pour peu qu'il y ait quelqu'un d'autre dans mon lit à ce moment-là, franchement, elle croit que c'est un cambriolage. Vraiment. Et donc, hier matin, à peine remis de Daniel, 7h20, j'entends Mathieu Vidard qui parle de science, et je suis dans mon lit, je suis bien, je suis en sécurité. Ça. Avec Mathieu, t'es bien, c'est un placenta sonore, quoi, Mathieu. Ouais. Tu vois, je dirais que je suis excité, je suis pas excité, mais et donc, je l'entends dire pourquoi la monogamie est présente chez certaines espèces alors que les mâles sont des usines à spermatozoïdes et qu'ils en possèdent suffisamment pour féconder plusieurs femelles. Et je me dis, Mathieu, tu me cherches. Là, tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Hein, c'est le matin, je suis encore dur de la noche, là, vraiment. Et tu me parles d'usines à spermatozoïdes et de féconder des femelles. Tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Bon, sauf que Mathieu, il parlait de la monogamie chez les animaux non humains. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il y a une petite étude créole qui dit que chez les campagnols transformistes à pattes rétractiles du Luxembourg, ça ken comme dans un tourbus. Et non, mais vraiment, il y a des scientifiques texans vraiment qui ont étudié les comportements monogames chez une dizaine d'espèces, notamment des oiseaux, des grenouilles et deux joueurs du PSG. Ils n'ont pas voulu dire lesquels, mais je suis sûr que c'est un Brésilien. Je suis sûr que c'est un des Brésiliens. Ma main a coupé. Et je me rappelle, en fait, il y a toujours un... C'est toujours un peu mystérieux le comportement monogame chez les animaux non humains parce que c'est très exceptionnel en fait. Ça touche 2% des espèces seulement. Dans l'immense majorité des cas, chez les animaux, les mâles ils jouissent puis ils font aller, on s'appelle. Hein. Tu vois vraiment, avec les femelles poisson lune qui fait attends, tu veux pas rester un peu. On pourrait regarder LCI. Enfin, tu vois, non, vraiment, non, c'est gentil. Je sors d'une relation un peu compliquée avec 9000 femelles parce qu'ils parlent un peu comme Patrick Sébastien aussi. En fait, les poissons lune, c'est que les femelles poisson lune elles portent la charge de l'éducation comme la plupart des animaux en fait. C'est pour ça que tu as très peu de poissons lune femelles qui sont cadres. Voilà, donc vous savez qui est monogame? Philippe de Villiers. Mais pas que, vous savez, chez les non-animaux, vous savez qui est monogame chez les animaux? Les canards. Ah oui. Et vous allez me dire, ouais, voilà, et vous allez me dire, je parle tout le temps des canards et qu'il y a un truc chelou qui couve, etc. Et qu'un jour, je vais vous faire, oui, j'ai été élevé par des canards, j'ai compris qu'à 18 ans que c'était pas mes parents biologiques, enfin tu vois vraiment, je vais éclater en sanglots. Non, mais chez les canards, ça fait partie des espèces monogames. Les canards, ils entendent Jean-Jacques Goldman chanter à la ferme, et tout ça, ils font n'importe quoi. Il est que de la merde celui-là. Je suis content qu'ils soient barrés en forêt. Et vraiment, vous savez que. Ils ont identifié les scientifiques 24 gènes qui pourraient expliquer les comportements monogames, mais je vais vous laisser Mathieu Vidard les expliquer mieux que moi. Merci à vous. Merci Guillermo Ruiz. France Inter, Maggie, la bande originale. Oui. En cléante, on peut essayer, Guillermo. Comme ça. Si Pierre-Yves. Oui, il a le physique. Laisse tomber, hein. Ouais, il a le physique.